dire cahier des chants. Oui, Manolo Mboyo, dans le Zembo Kala. Numéro 183. Mukamatuku Mandelamisatu. Toyemba, Tosete Labe. Amen. Thank you. et avec joie. Amen. Amen. Amen. Réjouis-toi et glorifie ton Dieu. C'est pour la patte mouchandame de Oyaïe. Triomphant et tressaillant d'allégresse. Triompher, triompher et tressaillir d'allégresse. C'est comme ça que ça se dit en français. Ils allaient vieux cantique ici. Hein, on a chanté il y a des années, des années, des décennies, des décennies. Et toi, des mois et des mois, on fait que chanter ça. Triomphons, chantons d'allégresse. Réjouissons-nous devant Dieu. Qu'un chant d'allégresse sans cesse, à sa gloire monte en tout lieu. Triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. Chantons à celui qui s'avance. Amen. Dans les cieux, les cieux éternels. Yes. Il fait entendre avec puissance sa voix et c'est le Dieu d'Israël. Se concert avec les saints anges. Faisons retentir notre voix. Amen. Chantons à jamais les louanges. De l'agneau divin mis en croix. Il donne à son peuple victoire. Puissance, force, liberté. À notre Dieu, rendons gloire et louons sa sainte majesté. C'est la même mélodie telle qu'elle existe en français et que ça a été traduit en lingala. Concert avec les saints. Faisons retentir notre voix. Avec les saints anges de Dieu. Prions. Dieu Tout-Puissant et merveilleux, Dieu de gloire et glorieux, nous te bénissons, sanctifions ton nom, élevons ta personne, reconnaissons ta grandeur infinie, ta grandeur incomparable, vois Dieu sans pareil, tellement immuable, invisible aux humains, présent pour ceux qui vois qui nous consomme. Nous guérissons, donne-nous la parole de vie et que cela soit la vie éternelle, que nul ne peut ravir, que nul ne pourra détruire, que rien ne peut nous compliquer. La vie éternelle pour laquelle tu descendis de ta gloire et tu es venu réparer mon frère sur le bois du calvaire. L'agneau divin mis en croix, Seigneur, reçois nos louanges et bénis la prédication de l'évangile comme au jour de notre foi, comme au temps de la Pâque et le temps de l'Esprit au milieu du peuple, il se révèle à nous, restaurera nos cœurs, nous ramènera au commencement, nous ramènera dans la parole, dans le fondement surnaturel, pour que nous puissions quitter les affections de la chair, les choses terrestres, et aimer les choses d'en haut. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions ici. Amen. Nous allons lire à présent la Sainte Bible de Dieu. Et c'est la parole éternelle du Dieu vivant. Commençons, nous lisons à trois endroits pour rendre un témoignage à la parole de vérité. Alors, Exode chapitre 4, le verset 1 à 8. Moïse répondit et dit: voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fouillait devant lui. L'Éternel est à Moïse. Étends ta main et saisis-les par la queue. Il étendit la main et les saisit. Et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et l'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein. Puis il la retira, et voici, sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Et il remit sa main dans son sein. Puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. S'il ne te croit pas, dit l'Éternel, et n'écoute pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. Bon, commencez à zong saki chete, betala. Bakondo manga chete pe, bakoyoka ngongo nangaite, mpoete, bakolobete yawe abimela kiyote. Yawe alobin na ye ete, eloko yango nini na loboko na yo, ye alobaki ete lingenda. Yawe alobaki ete, bwaka yango nanse, bongo ye abwakaki yango nanse mpe yango ebongwa makinyoka, mpe mose akimaki liboso na yango. Pe yawe alobaki na mose ete. Sembola loboko na ye mpe kamata yango na mokondo, boye ye asembolako loboko na ye mpe akangaki yango na mokondo mpe ezongaki lingenda na loboko na ye. Ete, bandima ete Yawe Nzambe na batata na bango, Nzambe na Abalama, Nzambe na Isaka, mpe Nzambe na Yakobo abimelaki yo. Yawe alobaki na ye lisusu ete, tia loboko na yo na ntolo na yo, ye atiaki loboko na ye na ntolo na ye, mpe wana ibinisaki ye yango tala, loboko na ye ezalaki pembe pe na malali na mbala. Na sima Nzambe alobaki na ye ete, zongisa loboko na yo na ntolo na yo, bongo ye azongisaki loboko na ye na ntolo na ye mpe, wana ibinisaki ye yango tala, ibibaki lokola musunyi na ye na mususu ezalaki liboso. Nzambe alobaki na ye ete, soki bako yamba yo te, pe soki bakondima elembo na liboso te, mbe bakondima na elembo na mibale. Romains chapitre 11, verset 29. Baloma mokapo ya zomi na moko mulongo ya kimbale na libo. Car le don et l'appel de Dieu sont irrévocables. Nzambi makabo nangolu na nzambe mpe, obyanga na ye e kukota la ma te. Dans Apocalypse chapitre 1er, le verset 1 et 2, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Oyo emoniseli na Yesu Kristo epesaki Nzambe ye mpona kotalisaka bawumbu na ye makambo makobima noki atindi mwanje na ye mpona koyebisaka Yohana mombo na ye yango. Ye Yohana atatolaki mpona makambo nyonso mamonaki ye mpe na liloba na Nzambe mpe litatoli na Yesu Kristo. Que Dieu bénisse la lecture de sa sainte parole. Veuillez vous asseoir maintenant, bien aimé, au nom de Seigneur Jésus-Christ. Nous allons annoncer l'évangile de Dieu, source de salut pour tous les croyants. Celui qui entend et qui croit sera sauvé. Dieu est bon, il est amour. Dieu est miséricordieux. Sa bonté se renouvelle chaque matin. Le matin aussi, quand le soleil s'est levé, nous voyons de façon infaillible que la bonté du Seigneur notre Dieu s'est renouvelée encore pour nous. Pour nous qui sommes sur la terre, parmi les vivants, nous pouvons les louer pour sa bonté. Parce que ceux qui sont allés au séjour des morts, mais ou ceux qui sont allés dans l'au-delà, ne peuvent plus faire ça avec nous. Ils vont se reposer de leurs œuvres. Et ce ne sont pas les morts qui adorent Dieu. C'est le vivant. Toi et moi, nous pouvons louer Dieu. Nous pouvons tressaillir de joie. Comme disent les paroles du chant que nous avons chanté. Nous pouvons exprimer notre cri de victoire. Louange à Jésus-Christ. Nous sommes en train de parler de la deuxième commission de William Branham. Et nous avons lu ce matin trois passages bibliques qui sont écrits là au tableau d'ailleurs. Mais nous allons tisser un lien inhabituel entre trois passages qui ne parlent pas exactement de la même personne en termes des hommes, des humains. Mais ne parlent pas littéralement de la même chose hein, en termes de mission. Et vous direz, mais comment on a les trois passages? Chacun va dans sa direction. Mais maintenant on les met ensemble, pourquoi? Parce que la parole de Dieu, elle est sainte, vous le savez. Elle n'est pas comparable à un journal que l'on lit. Dans la parole de Dieu, il y a toujours le contexte et le texte. Le contexte et le texte. Vous avez le texte et aussi le contexte. Et un texte pris hors de son contexte devient ce qu'on appelle un prétexte. Et le prétexte, c'est un échappatoire. Mais vous n'avez pas payé votre transport ou transpiré pour arriver ici et entendre des échappatoires. Nous venons pour écouter le Dieu vivant. Dans sa parole, il y a sa miséricorde. Il y a sa grâce salutaire. Il y a sa il y a la vie éternelle qui guérit. Guérit le corps, l'esprit et l'âme. La vie qui guérit. La vie se trouve dans la parole du Seigneur. Alors, dans Exode chapitre 4, il est parlé de Moïse et de son Dieu. Dans Romains au chapitre 11, verset 29, il est parlé des dons. Et de l'appel de Dieu. Il ne fait mention d'aucun humain. Il n'est pas parlé d'un homme. Bien que c'est sous la plume de l'apôtre Paul. Que le Saint-Esprit a choisi de lui. Mais le verset 29 ne parle pas d'un humain. Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Mais dans Apocalypse chapitre 1er, il n'est parlé ni de Moïse ni de Paul. Bon, mais il a parlé des gens avec son Dieu et la révélation de Jésus-Christ que Dieu a donné à Jésus-Christ pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et pour la faire connaître aux humains, le même Seigneur Jésus-Christ a envoyé son ange à son serviteur Jean pour lui faire connaître la révélation de Jésus-Christ que Dieu a donné à Jésus-Christ en tant qu'homme. Alors Jean a attesté la parole de Dieu. Il a attesté la parole de Dieu. Bref, reconnu tout ce qu'il a vu. Comme étant authentique. Oh. Et voilà. Trois passages bibliques, chacun allant dans sa direction. Mais nous allons tisser un lien comme ça. En parlant de la deuxième commission de William Branham. Encore là, dans les trois passages, il n'est pas question de William Branham. Alors qu'est-ce que cette pensée, notre sujet ici, vient faire encore là? Hein? La deuxième commission de William Branham. Il n'y avait question ni dans l'Exode 4, ni dans Romains 11, verset 20, ni dans Apocalypse 1, verset 15. On a pris trois passages dont chacun parle d'un aspect, mais pour développer un sujet, qui n'est pas littéralement mentionné dans aucun de ces trois passages. Ils sont par là un lien inhabituel. Ils garderont chaque passage dans son contexte. Pour que le texte de la parole nous dise la vérité. Et que cette vérité soit retenue dans nos cœurs. Qui aime la manière de faire de Dieu? Les voies du Seigneur sont insondables. Démontre la manière de faire. Ce n'est pas un Dieu auquel on s'habitue. Il peut faire des choses qui paraissent bizarres. Mais là, dedans, il y a toujours du miel. Il y a du bienfait pour là. Il y a la grâce divine pour mieux faire. Que son nom soit béni. La deuxième commission de William Branham, elle date du 7 mai 1946. Oh miséricorde. Elle date de là. Le livre d'Exode a été écrit dans l'Ancien Testament à l'époque appelée Antiquité. Selon l'histoire profane. C'était l'âge de l'Antiquité. Et les livres, les deux livres ici, Romains et Apocalypse, ont été écrits au début du Nouveau Testament. Et le livre à l'âge de l'Antiquité. Au premier siècle après Jésus-Christ. Donc, c'était toujours l'âge de l'Antiquité. Mais la deuxième commission de William Branham, elle est venue à l'époque contemporaine. L'âge contemporain. Voyez, et l'âge contemporain a fait suite à l'âge des temps modernes. Et la modernité. Et mais nous sommes dans cet autre âge ici, selon l'histoire profane. Mais néanmoins, dans les trois passages bibliques ici, et aussi dans l'arrière-pensée de cette commission dont nous parlons, il y a un être omniprésent qui est présent dans chacun de ce passage-là, dans chacune de ses références. Ce n'est pas un être humain, mais c'est un être surnaturel. Cet être surnaturel, c'est celui qui a conversé avec Moïse dans Exode 4, verset 1, oui. Moïse qui était un être humain a parlé avec quelqu'un. Et Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Moïse qui a commencé par lui dire, mais oui, on ne me croira pas. Ces gens-là veulent lesquels tu m'envoies. Ils disent, mais l'Éternel n'était pas apparu. Et l'Éternel lui répondit. C'était une conversation. Il lui dit, mais quand tu es là, il dit qu'il perche. Il devient un serviteur. Moïse fuit. Parce que c'était un humain, il avait peur comme nous. Et Dieu rassure Moïse. Il dit que je vais le tenir par la grâce. Quelque chose qu'aucun humain n'oserait faire. Vous le savez, non? Dans nos manières, dans nos coutumes. Qui a l'imprudence d'aller tenir un serpent par la queue? On le dit même comme un adage de sagesse et de prudence. Qui est paradoxal. Dieu qui est surnaturel. Dieu qui brise les traditions des gens. Dieu qui casse les croyances des gens. Parce qu'il est suprême. Il dit à Moïse, viens-les par la queue. Et dans cette conversation où Dieu a le contrôle sur le cœur humain, Moïse n'a pas pu discuter. Moïse a pas de crédulité ou par sagesse. Il parle de loyauté ou coutume héritée. Immédiatement. Frère, quand vous êtes dans la présence de Dieu, l'incrédulité tombe. Même quand vous osez argumenter, ce sera en tremblant. Parce que vous n'êtes pas un être très autoritaire. Votre présence est presque paralysante. Vous aimez discuter parce que vous êtes loin de Dieu. Vous lisez la Bible et vous commencez à contester. Et vous vous dites que c'est vrai. Vous êtes impossible parce que vous êtes loin de Dieu. Mais entrez dans sa présence. Vous verrez que ce qu'il vous dit s'impose à vous. Vous n'avez ni force ni résistance pour tenir face à lui. Job aussi, quand il parlait loin de la présence de Dieu, il a ouvert la bouche, il a dit beaucoup de choses. Mais lorsque le Seigneur est venu dans un tourbillon, il lui est apparu visiblement. Job s'est tu. Il a dit, je parlais sans les comprendre des merveilles qui me dépassent. Maintenant, je reconnais que tu fais tout. Ça, ça est une assassinat pour eux, pour tout le monde. Prends la sainte présence. C'est quelque chose qu'il faut à chacun de nous. Amen. Pour que sa vie change. Amen, amen. Et ça, il y a un autre qui est en train de se tu seras toujours ce mot comprenant là que tu te connais être. Ce qui a mon vitalité, c'est que le monde est là. Un type d'incompréhension terrible. On dirait que la tête est déformée, la tête n'a pas de sens. Il y a des choses à partir à comprendre, elles vont créer toujours des complications. Mais il faut la présence de Dieu. Pour changer votre caractère. Pour changer votre personnalité. Pour changer votre nature. Pour changer vos habitudes du mal. Même si elles sont si vieilles. Que votre naissance naturelle. La présence de Dieu peut tout le faire. Parce qu'il est votre créateur, et vous êtes comme de l'argile à ses yeux, et lui est le potier à vos yeux, et le potier fera de l'argile tout ce qu'il voudra. Il peut le retourner à bon escient. Reconnaître qu'il est son Dieu infaillible. Lui qui t'appelle, il fait tout. Moïse a osé discuter. Mais quand Dieu produit le premier signe, à partir de ce que lui-même avait amené, Moïse a pris la fuite. Laissant et Dieu et le serpent, il voulait aller se cacher quelque part ailleurs. Moi je me demande, c'est Dieu qui est votre secret. Bon, le serpent vient, vous êtes en danger. Dieu est là présent, parlez avec lui. Amen. Mais vous vous mettez à fuir. C'est pour vous cacher où? Mieux que chez Dieu. Mais le grand danger mortel est là, appelez le Seigneur. Mais la haute sécurité est là, appelez éternel Dieu. Maintenant pour aller où? Qu'est-ce qui va se sécuriser mieux que Dieu? Reprenez mes chers amis. Vous voyez tout le temps ce que dit l'Écriture. Vous voyez tout le temps ce que dit l'Écriture. Parce que l'église dit amen. Voulez-vous arrêter de fuir? Loin de la face de Dieu. Ne fuyez plus. Même s'il y a un grand danger. Vérifiez tout autour. Dieu est-il si invisible? Est-il si lointain? La Bible dit que Dieu n'est pas loin de chacun de nous. Quel que soit le danger qui surgit, et ce qui adviendra, n'oubliez pas que Dieu est prêt. Lui qui a promis, je serai avec vous tous les jours. Et jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la consommation du siècle. Je serai avec vous. Voilà Moïse ce qu'il a fait. Dans la présence de Dieu, montrant le ridicule humain. Ridicule. Il fuit devant les serpents, oubliant que Dieu est là. Pour chercher sa propre cachette lui-même, chercher sa propre sécurité à sa propre manière. Ne faites pas ça. Cachons-nous en Dieu. Chers amis, ne commettez pas l'erreur de Moïse. Pour l'émotion, vous pouvez réagir n'importe comment. Et que l'émotion ne vous fasse pas oublier la promesse de Dieu. Dieu est fidèle à chacune de ses promesses. Dieu n'oublie aucune de ses promesses. Les maladies difficiles à déchiffrer. Dont les noms sont très compliqués. Et toi-même, tu n'es même pas capable de prononcer ça. Ton propre mal. Ça va finir comment, on ne sait pas. Mais Dieu est là. Il est votre guérison. Il est votre meilleure sécurité. Il est votre gardien. Le plus invincible. Dieu a dit à Moïse, Dieu le serpent par la queue. Qu'aucun homme ne peut faire. Mais Moïse a pu le faire. Et le serpent l'a mordu. C'est pour ça, ne vous appuyez pas sur les coutumes. Même si ça vous lie à la peau. La parole de Dieu vaut plus que les coutumes. Quand Dieu décidera de bouleverser, laissez-vous faire et avancer. Des coutumes élaborées par qui on ne sait pas. Et ça, mais nous sommes les dioles, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il est déjà mort il y a des siècles. Oui, ça qui a Et la Bible dit que ceux qui sont morts n'auront plus jamais part à ce qui se passe sous le soleil. Yo zana sa moi, bikafi na yo selon la parole. Oubliez le bête de Yahweh, koufi. Ma pote a kata na makamu na Yahweh zana bongo. Oh, basi mbaka nuka na mokila te. Basi mbaka nuka na mokila te. Basi mbaka nuka na mokila. Loko wana pa alubaye loko wana, asala Moïse rien. Parce que Dieu qui lui a dit ça, c'est là pour le protéger. Ne craignez pas les paroles de couture plus que la parole de Dieu. Craignez l'autorité de la parole plus que l'autorité de coutume. Je veux, frère et soeur, que tu sois délivré. Ce sont des croyances et des mentalités. Soyez libérés. Moïse est allé la pêche. Et qu'est-ce qui se passe? Le serpent que Dieu avait créé. À partir d'une vierge, un bâton. Le même serpent devient un bâton. Ce que tu étais peut changer en ce que tu seras. Ce que tu es maintenant n'est pas ce que tu étais. Et ce que tu as maintenant, c'était une situation dégradante, diminuée par rapport à ce que tu étais. Mais quand tu es dans sa présence et que tu vis là-bas, Dieu peut changer. Ce que tu es maintenant, pour te ramener à ce que tu étais. Et que tu regrettes pas ce que les hommes disent, le bonheur se conjugue au passé. Oh, moi, n'a pas si t'es prêt à me mettre au mengo, le babagana, t'as vu les cas. Mon tout temps, on s'en dit que le bon mengo, a mis les lalais, caca. A son mon agané, t'as bon guité. N'est-ce qu'il a commis la pointe. Mais plus tard, quand il perd, c'est son avantage. Qu'il avait, à l'époque, et qu'il voyait qu'il n'était rien, il n'était pas à niveau. Il se met à dire, d'ailleurs, écoute, tu as les équipes ont été. Où auparavant, c'était mieux. Et tout ceci, ça, c'est l'être humain, un perpétuel insatisfait. Moutou, à cette la gaga, à quoi, la gaga, à Et ça va être le nom, mon autre. Ah, vous allez dans la bombe. A comment on est dans notre côté, dans nos huitièmes, des singles qui. Quand ils sont trois, ils sont dans le socle de l'ombre. Nous, on va dire, ah, c'est là qui vont, c'est là qui vont, madame, vous voulez, pour que vous allez se mettre au fond de la tête, c'est la gâte. Et l'Ecclésiaste dit, mais d'où viennent que les jours anciens étaient mieux que ces jours-ci. Et nous savons la vérité, qu'on va tête. Car ce n'est pas par sagesse que tu dis cela. Kolobate ke bomengo na ngai esi eleka. Ngai na zalaka mieux. Kolobaka bongo te. Il y a un Dieu maître des temps et des circonstances. Tant qu'il existe, il peut tout changer à nouveau. Il peut te ramener à l'état où tu étais avant. Ou comme il peut te faire passer à un état meilleur que maintenant. La Vierge n'avait pas de vie. Mais le serpent avait la vie. Mais Dieu a retiré la vie à la vache. Et il l'a transformé en une vierge en bâton. Et le même Dieu est capable. Et c'est ce qu'il a fait pour la vierge d'Aaron. Il a changé un serpent comme pour Moïse. Il a changé un arbre fruitier. Il a préféré pour vous tout ce qu'il voudra. Il est avec vous. Laissez vous faire avancer. Ne tristez jamais. Il est toujours foi dans sa puissance. Dieu peut tout changer. Il peut changer tes pleurs en joie. Tes malédictions en bénédiction. Tes fêtes en succès. Ta faiblesse en force. Ta maladie en bonne santé. Ta pauvreté en richesse. Ta dignité en habillement. Il n'y aura pas de fois où caser certains habits. Il peut tout changer. Il peut changer ta perdition en salut. Il peut changer ton manque du Saint-Esprit en solidité. Attendu ma bande la passante n'a rien à lui battre pour nous. Manifestez plus de foi. Ayez plus d'expectatives. Votre Dieu qui va intervenir. Que les amis de Daniel étaient là devant la fournaise ardente. Ils ne sont pas lamentés. Ils ne sont pas murmurés. Ils ne sont pas pleins de l'insulte. Pour lesquels ils étaient torturés. Ils n'ont pas pris les chars du roi. Mais ils ont dit, notre Dieu est plus que capable de nous délivrer. Cette fournaise, ton Dieu aussi, est plus que capable de te délivrer de la situation que tu traverses. Il faut que toi tu le dises. Jésus-Christ, il est le souverain de la foi que nous confessons. Toi déclare, parle de lui, c'est ce qu'il va faire, c'est l'autre à toi, c'est ce qu'il va faire, car il honore la foi de ce qui lui font confiance, il honore la foi de ce qui espère en lui, ne fouillez pas loin de sa face. Mais voyez-le, bien qu'il est invisible, voyez-le. Regardez à lui. C'est très important. Moïse a tenu donc le serpent par là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le serpent est redevenu vert. Vous voyez, quel sentiment vous pouvez avoir après avoir voulu fuir en débandant. Et Dieu vous ramène. Parce que tu ne savais pas quoi faire. Maintenant lui te dit quoi faire. Il y a une solution. Tes idées failliront. Mais la pensée de ton Dieu est infaillible. La parole et la promesse de ton Dieu est infaillible. Tu as dit tiens. Et il a tenu. Solution. La paix est revenue. Alors, je vois Moïse qui se dit, maître, que Dieu détruit ça. Qu'est-ce qu'il veut m'apprendre? Dieu ne s'arrête pas là. Mets ta main sur ton sein. Mets dans ta chemise. Sors là. Quoi? La lèpre blanche comme ça. Malade en balle. Ah, d'aï. Je dis, ne crie pas. Obangangate. Ne t'agite pas. Tu vis sa maté. Arrête toutes ces idées-là. Dieu est le maître des circonstances. Il n'y a rien qui peut se produire en bien ou en mal sans que Dieu en soit l'auteur. Laissez le démon tranquille si vous voulez. Laissez le diable calme dans son coin. Vous parlez de votre Dieu. Parce que c'est la personne omniprésente. Qui est dans toutes les expériences. Dans tous les passages que nous avons. Et cet omniprésent, c'est Dieu. Nous devons donner gloire à lui. Il a pris la main. Agile beaucoup. La sortie. Azongis, donc, il a remis ici. Azongis, Yango. Il dit, Dieu dit, sort. Zambel dit, oh. Ah. Quelle est cette maladie? Oh, mon économie. Qui peut venir avec force. Il y en a ma casse, et disparaître à 10 secondes. Mais, ni médicament, ni aucune procédure. Une maladie apparaît sur le corps. Et c'est réel. Moïse a ressenti les effets de la maladie. La lèpre rend les organes insensibles. Mbala et salakete oyo kanzo toi omiye ba lisusu na nzoto te malade. Donc c'est-à-dire on peut venir vous piquer là où il y a la lèpre, vous ne sentez rien. Vous allez être ma coquille à ta peau tout d'un là que vous craignez, même si les yeux, ouais, et c'est fait, on va piquer, hé, ça va. Attends, mais c'est ça qu'on banga quand je fais ça. La piqûre entre, tu ne sens rien. Bah tout le monde à ta tombe, on voit la lèpre. Mbala yango. Elle bloque la sensibilité nerveuse. Et les alliés qui perdent ce pensant, ils ont perdu la sensibilité de sa main. Moi, c'est à ma mère qu'on a les sous pas si. C'est pas dit. Plus rien. Mais oui. Dieu dit, remets. Remets comme ça. Sors là. Sors. Il n'y a plus rien. Et les alliés sous le côté. Comme pour dire la lèpre que les gens redoutaient. Pour la colombe, c'est malheur, bâti ma banque, comme un gars. Et pour laquelle il y a eu la loi de la quarantaine. Tellement c'est contagieux, il faut l'isoler, pas de contact avec lui. C'est ça qui m'a dit malade, il y a un malade qui est redoutable. Dieu peut guérir. Sa parole, il peut tout guérir. Même la maladie la plus redoutable de cette époque-là. Dieu l'a résolu en un rien de seconde. C'est le Dieu omniprésent. Pour notre époque ici, la maladie la plus redoutable, c'est pas la malaria. Beaucoup de gens. Les gens en ont la solution, ils trouvent que c'est pas redoutable. C'est pas trop coronavirus. Ils savent déjà comment soigner ça. Maintenant ils sont en train d'essayer des vaccins. Jusqu'à trouver la bonne solution. Vous voyez pas? C'est pas le sida. Ils avaient trouvé des formules, ils sont en train de gérer. À cause des investissements financiers. C'est souvent le cancer. Pour notre époque. C'est la maladie que quand on vous annonce que vous avez ça, dans votre tête, vous voyez déjà la mort venir. Les problèmes du cancer, ce n'est pas le foyer initial. Et fois la médecine se bat pour contenir ça, pour que ça ne se propage pas. Mais le problème du cancer, c'est que ça se propage secrètement. Et cette réalité-là, le cerveau humain craque. Et mais en même temps, l'évolution de la maladie est insaisissable. Kasi nenga maladie yango ezali ko pazangana na nzoto. Aucun médecin ne peut te dire que si nous faisons exactement ça, le cancer ne va pas se propager. Aucun ne va vous dire parce que ce sont des cellules malignes. Ça échappe au contrôle et à l'intelligence humaine. C'est malin. Mon gangata mon côté qui colère cette. Le colo zama cancer est celui qui sali bouillé. Na bongo eko panzana le susu kotambo le susu nanzo tote. Pwete. Bah c'est l'élan ango, mayele le kabango, ezali kotambo la batterie. Bah ils ont commencé à manamis na. Mais cette maladie là qui est redoutable pour les humains. Kasi maladie ou an ezali pas si pour nabatu. Ayant fait quand même l'âge dans lequel nous vivons ici, selon ceux qui ont essayé de taxer les choses en astronomie. Attaque au kotali sete na eleko tozali kobike la awa. On a parlé de l'âge du cancer. Balobi na eleko oyo ya cancer. Donc le défi de l'âge. Et les alimoun n'engue pas le koyo. Les alimoun malgré ça. Attaque au bongo. Devant Dieu, ce n'est rien. Mais pas faire un homme. Elle a compté. Elle ne pouvait pas guérir en un réalité. Ah, quelqu'un qui a dit qu'il s'en va en compté pour la mission. Emprenez à l'entendre. Il y a quoi là? La bonne. Hein? Les hommes de la terre disent qui peut le plus, peut le moins. Si Dieu peut guérir les redoutables là, c'est qu'alors la petite carie dentaire, les douleurs, les maux de tête, maux de ventre, et tout ceci, articulation, globatise, des choses comme ça. Mais c'est rien du tout, frère. Attends, pour ça, mon culot, mon maca, mon frère, coquine, ma camboumine, il y a pété, il y a coco, les sous. Bon, il y a une oyo, avec ici, par exemple, pour nous, on a mis tout ça, pour tout ça, on va gagner avec les bon, on est là, il y a un autre, on est là, on est là, on est là, et là, on est là, on est là. David avait terrassé Goliath. Ce qui est là, c'est qui Goliath. Vous pouvez-il craindre le petit citoyen des Philistins? A qui va prendre la pénza, ni cousser, Goliath, faire par terre. Goliath, faire la pénza. Tati est Kingo. Alors, les petits soldats, les lits qui sont là, les Philistins, les Philistins, même les rois des Philistins, ils ne savent pas quoi pour David. Il est allé avec assurance. Attendez qu'il pénza la sikisiki. Pour répandre sa victoire. Ainsi bien aimé. Si Dieu a pu vaincre la lèpre. En rien de seconde. Il peut vaincre toute maladie. Quel que soit votre âge. Quel que soit votre génération. Quel que soit le temps dans lequel vous vivez. Dieu est omniprésent. Il est immuable. Il ne change pas de jeunesse. Il est le même. Le même. Dieu a guéri ça. Maintenant il dit à Moïse qui dit ça. Ils ne m'écouteront pas. Il lui dit. Alors, écoute. Si tu ne te crois pas à la voix du premier signe, ils te croiront à la voix du dernier signe. Dieu a rassuré son nom. Il ne voulait pas avancer. Il ne voulait pas accepter la commission. Il ne voulait pas obéir. Parce qu'il craignait d'être ridiculisé. Mais Dieu est votre assurance. S'il vous donne un travail à faire, ne regardez pas les réactions des gens. Ce sera décevant. Prenez ce que Dieu vous a dit. Comptez-vous ça plus que sur tout. Alors, le même Dieu qui a conversé avec Moïse. C'est le même Dieu qui a conversé avec des gens dans l'Apocalypse. Mais par le canal d'un ange qu'il avait envoyé à Jean. L'ange était venu de la présence de Dieu. Et il a rassuré Jean. C'est Dieu qui m'envoie pour te communiquer ces révélations. Et il a promené dans le surnaturel, il a montré un tas de visions. De visions sacrées. Sacrées. Mais un certain évêque de Chine, catholique romain, aux États-Unis d'Amérique. Il est venu prétendre auprès de Frère Brenham que les autres gens ne connaissent rien de la Bible et que la Bible c'est leur affaire à eux les catholiques. Donc quand les sept bateaux sont sous baie, évitez ma camboie et allez biblia. Biblia est allée où les camboies allées bango moko bamupe. Et puis il dit et quand nous arriverons au ciel là, tu sais quoi Monsieur Branham? Alors évitez que tu vas commander là où il y a bini. Dire à Jésus c'est moi l'évêque Chine. Et puis, il va attisser. Et puis, il dira, oui, évêque Chine, je me souviens de toi parce que ma mère m'avait parlé de toi. Frère Brenham me dit, quel sacrilège pour un homme qui prétend le nom de Dieu. Regardez les histoires qu'il a faites. Et pensez-vous du livre des actes des apôtres? Alors, oh non, mais ce livre-là, ce n'est que comme un échafaudage. Et allez le faire salir, salir le mot. Donc si quelqu'un essaye de monter des chiffres, mais, le livre de l'Apocalypse, c'est quoi? Le livre d'Apocalypse. Mais ces gens qui ont mangé un tas de piments et qui ont commencé à faire beaucoup de cauchemars. Il a eu un sommeil difficile, il a commencé à écrire des histoires invraisemblables. Nde kuperana matuni ya bongo mukanda na yemuni seri apokalipsa lobi ate wana mukanda wana yowana ndia mutu pilipili wa ya jalia kipenza ishuwa kie makashi ndia zanga kipongi abaliko kumakabi kumela kumela kumela kwa nama di ke Dieu ayi pitié d'un homme qui peut ainsi blasphémer la parole de Dieu. Nde kuperana marubete nzambe ayo kila mawana mutu oya kiko tukakapu na lobana nzambe. Il y a des gens qui n'ont ni crainte ni réserve. Très bien dans leur confort matériel, financier, qu'ils se permettent de dire n'importe quoi contre la sainte parole de Dieu. Tout cela parce qu'ils vivent loin de Dieu. Quand vous entrez dans sa présence, vous verrez les choses autrement, différemment. Je prie que chacun entre dans la présence. Amen. Que Dieu ne soit pas une théorie. Que Dieu ne soit pas une imagination pour vous. Mais que Dieu soit une réalité. Vendredi, nous avons parlé d'une petite pensée de méditation. Intitulé les anges de Dieu conversant ou des anges de Dieu communiquant. Et nous avons rappelé ici que c'est quelque chose d'agréable à vivre. De même que nous pouvons parler entre nous deux ici. Mais quoi le but c'est de faire vous aussi parler entre nous. Et autant de frères Branham, il y a des révisions. Et on a vu un ange habillé en rouge, alors qu'on nous a fait croire que les anges ne s'habillent qu'en blanc. Amen. Moi, je loue à l'attaque de la mer à Pembe. Alors, on nous a fait toujours croire que les anges de Dieu sont des blancs. Mais les démons, c'est ça les noirs. Oh, chaque démon est noir. Très noir avec des grosses dents brillantes là. Avec une queue là bizarre. Le chérubin le plus beau, c'était Lucifer. Voyez là où l'imagination peut vous amener. La Bible dit qu'il était parfait en beauté. Tanga la Biblia. Lucifer. Lucifer, les gens qui écoutent. Mais ces gens-là qui vivent loin de Dieu, quand ils viennent vous décrire Lucifer, ils écrivent un petit animal avec une queue, il est très noir comme les hommes noirs que nous sommes ici, et puis il y avait des dents brillantes là. Et puis il est toujours dans les noirs, dans les ténèbres, en pleine nuit, sans lumière ni lune. Si vous suivez ces regards-là et toutes ces choses-là, vous allez vivre dans la tradition. Jésus-Christ qui vient, il a venu beauté, éclat, Dieu dans la simplicité. Dieu paradoxal. Mais c'est un Dieu qui casse les croyants. Êtes-vous là? Béni soit le Seigneur. Il a envoyé son ange auprès de son serviteur Jean. Et j'ai l'avantage de vous annoncer encore ce matin que le même Dieu là, qui avait envoyé son ange auprès de son serviteur Jean dans Apocalypse, c'est le même Dieu qui, les 7 mai 1946, a envoyé encore son ange auprès de son serviteur William Branham. Le même Dieu. Je n'entends pas votre position par rapport à ça. Quelle est votre position? Mais vous êtes bouche bée. Ni pour, ni contre. Écoutez ce que dit Frère Branham ici. J'ai lu dans les questions-réponses sur la jeunesse. Prêché le 29 juillet 1953. Oui, monsieur, le paragraphe 220-221. Laissez-moi vous dire quelque chose. Il est présent. Si vous voulez savoir à quelle époque de l'année vous êtes, regardez le calendrier. Si vous voulez savoir à quel moment de la nuit vous êtes, regardez l'horloge. Et si vous voulez savoir dans quel jour vous vivez, regardez où en sont les Juifs. C'est l'horloge de Dieu. C'est une des choses les plus grandes. Ok. Et regardez, la nuit même, les jours même où l'ange du Seigneur me rencontra, le 7 mai 1946, à Grenismil, dans sa cabane de prière, en Brousse là-bas, à Grenismil, l'état indiana. Ce même jour-là, le traité de paix fut signé pour les Juifs. Et ils firent alors une nation établie pour la première fois depuis 2500 ans. Alléluia! Il dit ça comme ça. Alléluia, bongo. L'ange du Seigneur l'a rencontré. Moi, je l'ai encore écouté à la. Pouvez-vous faire confiance à ça? Vous connaissez le Mayango? Il est donc le lieu, à Pécessica, la date, Mukolo, le mois, Sanza, et l'année. C'est précis. La siki. Le même jour où l'ange du Seigneur l'a rencontré. Le traité de paix fut signé. Pour et ils furent alors une nation établie la première fois depuis 2005. Je vous ai dit que le même Dieu qui avait envoyé un ange à son serviteur Jean qui a pu rédiger le livre de l'Apocalypse. Ce livre nous l'avons avec. Vous ce n'est pas un exposé de cauchemars. Ce n'était pas des rêves pénibles de quelqu'un qui a mangé trop de piment. Mais ce sont les visions du Seigneur. La révélation de Jésus-Christ. Telle que Dieu l'a voulu être connu parmi ses serviteurs. Le même Dieu a envoyé son ange à William Branham. Et c'est notre portée de méditation ce matin. L'ange du Seigneur conversant avec William Branham. Après avoir vu vendredi une petite pensée de méditation, les anges de Dieu se communiquant. Avec cette communion divine. Alors, nous devons parler de l'ange du Seigneur conversant avec William Branham. Il est, il y a eu aussi un ange du Seigneur qui a conversé avec Jean. Il lui parlait et Jean répondait dans tous les livres de l'Apocalypse, vous verrez cela. Et c'est la conversation de Jean avec l'ange du Seigneur. Oui, dans laquelle il lui montrait plusieurs visions. Il amène encore ceci. Il le montre encore après ça. L'ange du Seigneur. C'est l'ange du même Dieu qui avait conversé avec Moïse en Exode 4. C'est l'ange du même Seigneur qui avait causé avec Moïse en Exode 4. Non, pas le même ange, mais l'ange du même Dieu. Maintenant, vous direz le même ange, c'est comme si à Moïse et à Jean et Abraham, c'est le même ange. L'ange du même Dieu. Et l'ange de la part du même Dieu. Est venu auprès de Moïse. Un ange du même Dieu. Moi je lui en tape de bonne action. C'est pas que les âges ont changé. Mais Dieu est le même. Croyez en sa puissance. Croyez en sa fidélité. Croyez en sa parole. Et il est venu le 7 mai 1946. Et ce qui s'est passé ce jour-là, n'était pas une vision. Suivez bien. Ce n'était pas une vision. En 1933, à la rivière Ohio, aux États-Unis d'Amérique, le 18 juin, à 14h précises d'après-midi. Ce qui s'était encore passé ce jour-là, ce n'était pas une vision. Mais c'était une réalité. Un événement vécu. Dont les témoins sont légion, sont multiples. Qui dit amen? Un événement. Et ici encore les 7 mains. 1946, ce n'était pas une vision. Mais c'était plus haut une réalité. Un événement qui s'est passé sous le soleil. Je vais lire dans les sermons, pourquoi je prie pour les malades. Prêcher le 14 mars 1954. Pourquoi je prie pour les malades. Paragraphe 30. Mais maintenant, ça, ça est. Dans le monde de vision, cet homme n'était pas une vision. Il s'est approché de moi. J'ai entendu ses pas alors qu'il marchait. Il s'est avancé. Et il m'a parlé. Parle. Tout ça, c'est un récit d'un événement vécu. Et je tremblais comme ceci. Et il a dit, n'aie pas peur. Et quand il a dit cela, c'était la même voix que j'ai entendu depuis que j'étais un enfant. Le même homme. C'est la même voix qu'il entendait et dont il ne voyait le visage de personne. Mais ces jours-là, à Grillismil, pour la première fois depuis sa naissance sur terre, il voit quelqu'un qui entre. Et ne s'est pas fait des bruits au sol. Mais il était pieds nus. Amen. Et il paraissait peser 200 livres. C'est-à-dire 90,7 kg. Y a-t-il un frère ou une soeur qui pèse comme Jésus parmi nous? Et là, il n'a pas dit que moi, si, oh, il pèse 58 kilos ici. Non, il n'y a pas kilos, tout comme ça, nous sommes dimanche. Qui pèse quand il monte à la balance 58 kilos. Merci. Vous le voyez là? Frère, viens ici à l'hôtel. Maintenant, moi, je pèse 90 kilos. Êtes-vous là? Moi, votre frère. Je pèse 90 kilos. Lui pèse 58, c'est ça? Très bien, mettez-vous ici. Vous nous comparez, nous deux? Vous voyez ça? Maintenant, Jésus est comme ça. Mais l'ange qui est venu visiter Frère Branham est comme moi. Et donc, si lui est Jésus, il est le créateur de moi, de toi et de nous tous. Donc, il est comme ça. Corpulence de son. Maintenant, l'ange du Seigneur, qui n'était pas le Seigneur Jésus, est comme ici. Quand toi tu regardes selon la chair, qui peut être l'autorité et le créateur de l'autre entre nous? Vous voyez la bonté du Seigneur? Que Dieu te bénisse. Vous avez une idée. Vous avez précisément 58 kilos. Comparé à 90 kilos. Êtes-vous là? Vous allez. Ne prenez pas ça pour sacrilège. Quelle comparaison? Jésus! Oui. Ils Jésus pesait 45 livres de ce qui pesait 58 kilos. Mais son ange là qui est venu. Son ange là qui est venu. 90,7 quelque chose. Ils allaient qui va. Ok. Vous y êtes. Vous allez. Que Dieu soit miséricordieux. Amen. Je vais lire. Voulez-vous? Ne soyez pas dépaysés. J'ai fait une illustration pour vous aider à chasser les croyances imaginaires et les faussetés. Jésus est un petit homme. Dans sa corpulence, un petit homme. Mais dans sa contenance, c'est la plénitude de la divinité. C'est le plus puissant de tous les êtres. Oui, la première créature. Dieu n'est comparable à lui. Mon côté est au-dessus de lui. Mon côté est corona. Oh. Suivez. Voilà. Je tremblais comme ceci. Et il a dit, n'aie pas peur. Comment réponds? Et quand il a dit cela, c'était la même voix que j'ai entendue depuis que j'étais un enfant. Le même homme. Mais il était maintenant un homme. Autrefois, c'était une voix qu'il entendait. Qui avait une tonalité, un certain timbre. Et chaque fois, quand il entendait cette tonalité, ce timbre, il reconnaissait que c'est l'être qui lui parlait souvent. Mais cette fois-là, c'était un homme visible. Je l'avais vu dans une nuée. Dans une colonne. Et je l'ai vu dans... Je l'avais entendu dans les tourbillons. La même voix. Par la Mais je ne l'avais jamais vu comme un homme. Et pourtant, ce n'était pas une vision. C'était une réalité. Un être humain pieds nus. Raccordé. Bien que pieds nus, mais quand il marche, les pas pesés, ça faisait un petit bruit au sol, et Branham entendit même le bruit de ses pas. C'est il a dit, je suis envoyé de la présence du Dieu Tout-Puissant. Pour te dire que ta vie particulière, Et ta naissance, c'était pour que tu ailles dans le monde entier. Sommes-nous là? Prier pour les malades. Et il a dit, ton ministère se répandra dans le monde entier. Est-ce que ça se fait? Était-il très combattu? Y a-t-il eu des gens qui ont voulu coûte que coûte tout faire cela? Ont-ils réussi? On ne combat pas Dieu. Votre haine vous détruira vous-même. Quand vous décidez, c'est irrévocable. Quand Dieu dont il est parlé dans Romains 11, 69. L'appel de Dieu sont irrévocables. Quand il a choisi Moïse. Quand si Moïse, il ne voulait pas. Dieu a déjà dit. C'est irrévocable. Quand il a choisi Jean, personne ne pouvait rien changer. Jean a dû faire ce qui lui était ordonné. Votre haine et votre mépris ne fera que vous détruire vous-même. Il y a de meilleurs choix que de vous répandre et croire les décisions de Dieu. Il a dit, ton ministère se répandra dans le monde. Et par ceci, il suscitera un évangile et la puissance qui amèneront la seconde venue du Christ. C'est son message que tu apporteras qui suscitera un réveil. La puissance telle que cela va conduire à la seconde venue de Jésus-Christ. Moi aussi, je crois. Êtes-vous là? Moi aussi, je crois. Voyons maintenant le poids de cet homme. Dans le serment, la manifestation de l'Esprit. Du 17 juillet 1951. Yamukula zomina sambu sans aya sambu mbwe kotomo et aussitôt que j'avais offert ma prière encore dans quel contexte il est allé faire cette prière j'ai vu une lumière briller par terre c'était la nuit dans une cabane en brousse on l'a dit Tourbillonna. Mais c'était la première fois de toute ma vie. Cela m'a parlé des centaines de fois. Mais cela est venu en marchant. J'ai entendu quelqu'un marcher. Et j'ai regardé comme cela m'a effrayé. Et cela vous effrayerait vous aussi. Et cela s'est avancé droit vers moi. Il dit, pas une vision. Alors, directement vers moi. J'aimerais que vous puissiez comprendre le degré de la peur qu'il a eu. Un peu mieux que la peur qu'avait Moïse dans la présence même déjà reconnue de Dieu. Il connaissait qu'il parlait avec Dieu, mais il a eu quand même peur du servant. Moïse a eu peur du serpent, on peut comprendre, mais ici Branham était seul. Il s'est isolé loin, il a laissé les consignes à sa femme pour dire prends soin du petit Billy. Il ne savait pas s'il allait revenir ou non, parce qu'il était à bout. Il a ici un pasteur, il dit que c'est du diable. Là-bas, non, non, ce sont les démons, et les visions là-bas, et tout ça et tout. Maintenant, il se voyait comme un apatride. Quelqu'un qui ne sera pas accueilli pendant qu'il aimait beaucoup la communion. Il voulait communier avec les gens. Mais partout qu'il essaye de parler son expérience, on diabolise. Là-bas, on diabolise. Il dit, oh non, non, frère, et vous êtes suspect, et tout ça et tout. Et ce sont les chrétiens qui font des choses comme ça. Les Aguinés, pas Christ, ni aux anges, ni aux visions. Il n'a même pas la guérison divine. Il dit que nous avons un bon médecin, mais disons, on n'a pas besoin de guérison divine. Dieu a déjà aidé le monde, il a donné de grands médecins au monde. Et ce sont des grands référents. Si vous connaissez la religion qui teigne mieux que vous, vous avez tiré les cinq épingles là-bas. Bien habillé, bien parfumé. Mais c'est eux qui disaient que Dieu nous a donné de bons médecins. Il n'a plus besoin d'intervenir par la guérison divine. C'est demandé, c'est déposé. Allez à l'hôpital, s'il y a un problème. Les grands pasteurs, les référents. Alors quand lui dit, mais Dieu guérit. Oh non ! C'est le diable ! Dieu nous a dit, faites attention, les faux prophètes viendront. C'est des gens comme vous là. Commencez toujours comme ça pour vous voir. Il est allé chercher la pasteur. Je veux être un frère. Pourquoi je ne suis pas compris? Je ne fais rien, je ne fabrique rien. Il est allé chercher la face de Dieu. Très loin là-bas, là où on ne pouvait arriver qu'à pied, pas de route pour la voiture, même pas d'héliport pour un hélicoptère. Vous voyez ça? Même pas un héliport. L'héliport, c'est l'espace aménagé où peut atterrir un hélicoptère. L'aéroport, c'est l'espace aménagé pour atterrir les avions. Là où il était, il n'y avait rien de tout ça. Un lieu d'isolation, de retraite pour la prière. Après avoir offert sa prière sincère, il voit maintenant comme une lumière qui vient. Il essaye de regarder. C'est un homme qui vient. Un être humain. Il va donner son poids. Allons-y. Pensez-y. Si c'était vous. Quel est le sentiment pour vous? Vous êtes seul là. Quelqu'un vous apparaît comme ça et vous n'avez aucun secours à côté. Même pas une maison de voisins où sauter le mur, entrer là-bas pour vous attaquer. C'est la seule cabane dans le coin. Donc vous avez fait votre lieu secret de prière. Maintenant, l'homme entre à l'intérieur là-bas pour vous croiser seul là-bas. En pleine nuit, n'aurez-vous pas peur?